Ici Raymond Poirier. Du lundi au vendredi, avant 9h, tout est possible. Actualité, société, culture et plus encore. Performances en direct, entrevues aux multiples saveurs, regard neuf sur l'actualité d'ici et d'ailleurs, rencontres avec des collaborateurs dynamiques. Non, vraiment, on parle de tout. De l'économie à la politique, en passant par le théâtre, la musique et des dégustations de vin, de whisky. Tout ça et plus encore au plus matinal des retours. Avant 9h, tout est possible. Votre réveil à l'antenne de CKRL de 7h à 9h. Microphone feed. Microphone feed. Microphone feed. Vous écoutez CKRL, la radio des découvertes. 89.1. On dirait que le thème de web musique est brisé. Bonsoir, c'est Simon Roy qui est avec vous. Je vais être avec vous pour les deux prochaines heures. Hier soir, quand même assez tard, j'ai découvert quelque chose de vraiment trippant pour mon émission. Il s'agit du groupe Gangsta Grass. C'est du hip-hop mélangé avec du bluegrass, du bon vieux blues bluegrass. Je suis pas un gros amateur de hip-hop, mais mélangé avec du bluegrass, ça donne un son qui est quand même assez intéressant. C'est sur l'étiquette Ranch Audio, une étiquette qui nous vient des États-Unis, bien sûr, avec un tel mélange. Je vais vous faire entendre trois pièces de l'album Gangsta Grass. On va commencer avec Dirty Picking, une pièce avec du banjo, puis il y a même un encanteur. Vous allez voir, c'est assez drôle. Ça va être suivi de Step in the Club, puis ensuite de ça, on va entendre I Am the Man, New Blood. Web Music, excusez-moi, et on écoute Gangsta Grass. I'm gonna be Millennium gangster, I see that rag represent fan ways up. Mommy slacking on your head game, get your grades up. She said that she don't do that. I'm like, say what? You lie like a rug. I see you bopping your head in the club. Slug tone, step in the building, niggas be wildin'. No tone, step in the club, mommies be zoning. You know, this is it. Take it back. Goes uno. Dos, tres, cuatro, cinco, got mommies from Africa to Puerto Rico. Sometimes you gotta take it back and rap and snatch the crap that's out right now. I'll show them how it's done. Yep. Yeah, any of you clowns to test my lines. Keep my hand on my toast like it's breakfast time. I'm that nigga you love, I'm that nigga you hate. I'm the nigga when you're eating, man, you hide your plate. Yep. Tone, step in the building, niggas be wildin'. In the club, mommies be zoning. Tone, step in the building, niggas be wildin'. Tone, step in the club, mommies be zoning. Talking about they bringing New York back. New York never left, baby. We've been here from the beginning. We're gonna be here to the end. It's Platinum Classics. I hear what y'all doing. You ain't repping New York. You ain't really doing your job. You back on your job, baby. Tone's that new blood. East Coast, he's that new blood. West Coast, he's that new blood. Dirty South, he's that new blood. The whole world, Tone's that new blood. Nas make a dude wanna pick up the raw book. 50 make a dude wanna tighten up my hooks. Kanye make a dude wanna loot some shit. Make a dude wanna boost some shit. Jigga make a dude wanna cop a fat ride. Eminem make a dude wanna embrace black pride. Kim make a dude wanna fluff them breasts. This is chameleon in. That nigga there's a millionaire. So I'ma take it where? No other rapper dares spit lyrics that mean something instead of me mugging and claiming the game. Pissed out, cocky, faking my aim. I'm hating the game and all the vanity game. But still I maintain what God placed in my veins. Pass it to his aunt till it flows through his veins. Pass it to his sibling till his time is done. Hip hop is like air to a dying lung. Similar to the iron lung. Tick out, bring the pain. You don't know me and you don't know I slid out. Anybody who knows tone knows I'm with out. Black up, black up, black up, black up, black up, black up, black up, black up, black up, black up, black up, black up. Homeboy, but I don't hear nothing. Temptations are killing his track. Call me Dave Ruffin. It's a lyrical shootout when you're shooting duds. Hip hop needs dialysis. And tones that new blood. Like a fish out of water, dudes flopping. Attorney for hip hop, the spirit of Cochran. Instead of it don't fit, you must acquit. If your dudes don't spit, then you need to get your butt. Faith the kings who rhyme about rings and blings and cars and trinkets. Look lost in the faucet. In the Bronx, we call them mannequins. It's plain to see you ain't who you claim to be. You dudes are stuck up the creek without Dawson. And I'm a ran to a power just began morphing. Trust me, fan often. I study these dudes. I don't see nothing but sandbows and fools. Land rolls and jewels. Damn, Tony. So I'ma hit your crew more some kamikaze shit. Until every one of you fake thugs stop popping shit. These kings of New York, I blow a dome, partner. Vous venez d'entendre un mash-up de hip-hop et de blues bluegrass. C'était le groupe Gangsta Grass sur l'album éponyme. Vous venez tout juste d'entendre I Am The Man, New Blood. C'était précédé par Step In The Club. Puis on avait débuté avec Dirty Picking. Cet artiste-là, c'est sur l'étiquette Ranch Audio, une étiquette qui mélange le hip-hop, le country, le bluegrass, le gangster rap, un peu de tout finalement. On poursuit dans la même veine avec l'artiste qui est un peu le directeur de l'étiquette. Il s'agit de Ranch. Je vous fais entendre Theme from Mean Season. Puis ça va être suivi par Fish Eye, la pièce Mean. Fish Eye, un groupe, c'est deux femmes qui chantent. C'est vraiment intéressant. Donc pour tout de suite, Ranch avec Theme from Mean Season. Baby, you're lucky to survive. tight, 'cause each other's all you got. The river's dry, the sun is high, and the air is getting high. Can feel the future creeping, and it's not a pretty sight. There's murder in the trenches, you better learn to fight. Allotted time. Third quarter profit margin failed to make the grade. Overseas laborers never heard a minimum wage. Richest eight nations meeting behind closed doors. Labyrinthine, the operations culminate in death and war. Extracting oil resources and labor we endure. But this levy's about to break and make a flood upon the poor. Third world clandestine insurgents organized. Underground pack and steal one decade, never compromise. This vision's formed from braids, only a rise and turn the tides. We pull in struggle warriors, look your proponent in the eyes. Streets, people play for keys when they creep. We reap zero pay for beats 'cause we deep sea. These simple songs are steep, masses sleepy. Seize media techniques, no one speaks mean. Streets, people play for keys when they creep. We reap zero pay for beats 'cause we deep sea. These simple songs are steep, masses sleepy. Seize media techniques, no one speaks mean. Streets, people play for keys when they creep. We reap zero pay for beats 'cause we deep sea. These simple songs are steep, masses sleepy. Seize media techniques, no one speaks free. Oh snap! a honky-tonk motherfucker with that. You won't see me on MTV posing in chaps. We ain't a novelty act, but got a sense of humor perhaps. Taking it back, reclaim the chicks from mud flaps and trucker hats. Not getting caught up in claptrap, retro, hipster, backlash, I'm past that. I get mad, I post ironic, but I don't sweat it. Got a problem with that, I don't give a fuck, you don't get it. Want me to say it again? Too bad I just said it. Got it right the first time, no need to re-edit. Over the line, like a shopaholic with bad credit. Think you could keep this sound down, forget it. This ain't no yellow belly yesterday cliche. Hee-haw, hootin' and he knees, slapping cotton, picking good awards, sassafras, pseudo-retro boot, making imitation of the past. This is the new shit, tap it, taking chances. We got roots, now we're building branches. Just drop the drum track, lay the bass line down the middle. Who said you can't have a DJ and a fiddle? Go together like a drummer and a paradiddle, like a rich man paying for an acquittal. Oh my God. Break the boundaries and bring it together. We come a long way, baby, but we could do better. Break out like a big girl in a small sweater. This ain't a trend, so don't call us trendsetters. Call us go-getters, bringing American music back. Like Coast to Coast Railroad, we drive tracks that ain't about hits from the sticks or clown acts. When cliches attack, they get smacked. This ain't no yellow belly yesterday cliche. Hee-haw, hootin' and slapping cotton, picking good awards, sassafras, pseudo-retro boot, licking imitation of the past. This is the new shit, tap it, taking chances. We got roots, now we're building branches. Vous êtes toujours à Web Music. On vient d'entendre B-Star avec la pièce Yellow Belly. Avant ça, c'était Fisheye avec Mean. Puis, on avait débuté avec Ranch, la pièce Theme from Mean Season. Toutes des artistes qui sont sur l'étiquette Ranch Audio. Une étiquette vraiment spéciale qui mélange hip-hop, country, bluegrass, gangster rap, un peu de tout finalement. Je vous rappelle que les pièces que vous entendez à l'émission, ben, c'est possible de les télécharger gratuitement. Pour ça, ben, c'est rien de plus facile. Vous avez juste à vous rendre sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous avez toutes les ressources qu'il vous faut pour télécharger les pièces. Puis en même temps, ben, ça vous permet d'avoir un peu plus d'informations sur les artistes. Pendant l'émission, je préfère vous faire passer un peu plus de musique et un peu moins de blabla. On poursuit avec Battlestar. On va entendre la pièce I Am a Man of Constant Sorrow. C'est encore sur l'étiquette Ranch Audio. Puis après la pièce, on va faire une petite pause et je vous reviens. Donc pour tout de suite, Battlestar avec I Am a Man of Constant Sorrow. Sorrow, I've seen trouble all my days. Nuit en musique vous sont présentés par votre directeur musical, Daniel Marcoux. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marcoux. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et world beat, les jeudis Britpop et post-rock, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même le dimanche. We interrupt this record to bring you a special bulletin. Good God! Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes. What happened? De retour à Web Musique, c'est Simon Roy qui est avec vous pour l'émission. Avant la pause, on avait entendu Battlestar, la pièce I Am a Man of Constant Sorrow. C'est sur l'étiquette Ranch Audio. On va se déplacer des États-Unis dans l'ambiance cowboy et pop. On va aller plutôt vers le pop suédois, une étiquette qui s'appelle It's a Trap, une étiquette quand même assez pionnière dans le domaine des net labels. Donc, une étiquette qui a lancé des artistes comme Peter Bjorn and John, José González, pour nommer que ceux-là. Donc, une étiquette quand même assez importante. On va débuter avec Bjorn Kleinheinz, avec sa pièce « The Best Day of My Life ». Ça va être suivi par « Imagine I Had Hands » avec la pièce « Captive ». Puis ensuite de ça, on va entendre « The Giant's Dream » avec « Maelstrom of Madness and Death ». Pour tout de suite, Bjorn Kleinheinz. Are you still there? That time when we stole that old car and drove out to the airport and lay on the hood and watched planes as a bomber had us. Those were the days of fire and haste and lit summer nights out in your garden and your father in the parlor with my hand in the panties and half cigarette behind the shed. Oh, those were the best days of my life. There's no up, there's no down. Those were the best days of my life. School trip, ninth grade, escape. Six Danish beers that you took from your father. We don't speak anymore, and we still owe money for pledge, but I'll forgive you for that. Sad New Year's Eve, just you, boy, and me, and a drink in an old railroad track, and the kiss on the mouth, and I'm sorry about that thing that you want. I'm gonna visit you soon. The best days of my life. Now there's no up, there's no down. Those were the best days of my life. Sick and fed up, and I hear you debate over there, walking on the right crowd, but the streets were inside now. Gone with the wind, down south like an old lady bird. Now your wings they're reflecting the sky as you pass over fields so widespread, not even you can describe where you. I never know which, and I'm sorry I left your horse out in the road. I can't blame you for breaking up with me in school on the next day. Hey Mike, you okay? I still feel ashamed about that time when we hit you with a towel in the shower after gym class and locked you out in the snow in the winter of 1994. I didn't say you would. I just said you might. I didn't have. Vous venez d'entendre The Giant's Dream, la pièce Maelstrom of Madness and Death. Avant ça, c'était Imagine I Had a Hand. C'était la pièce Captive. Puis on avait débuté avec Bjorn Clenens, la pièce The Best Day of My Life. Des artistes qui sont sur l'étiquette suédoise It's a Trap. Une étiquette vraiment intéressante. Je vous la recommande chaudement. On poursuit avec d'autres artistes qui sont sur cette même étiquette. On va entendre tout d'abord Sonores, une pièce assez douce qui s'appelle Elephantine. On poursuit avec The Grand Opening avec leur pièce Get Out. Puis enfin, on va entendre Bjorn Clenens encore. Cette fois-ci, c'est avec Pete Thompson. On entend la pièce Smog Bomb à l'émission Web Music. All those words I never knew, they cut so Japanese. C'était Bjorn Clenines avec Pete Thompson, la pièce Smog Bomb. Avant ça, c'était The Grand Opening avec le morceau Get Out. Puis on avait Sonores avec Elephanten. Des artistes qui sont sur l'étiquette suédoise It's a Trap, une étiquette presque mythique dans le monde des net labels, des étiquettes sur Internet. C'est quand même des pionniers depuis un bon bout de temps. Je vous rappelle que ce que vous entendez ce soir, puis toutes les émissions, finalement, c'est possible de télécharger les pièces. Si la pièce vous plaît, c'est pas compliqué. Vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org ou si vous pouvez passer par le site principal de CKRL qui est au www.ckrl.qc.ca. Vous allez dans la section programmation dans le dimanche et vous allez trouver un lien vers l'émission. On fait une courte pause et je vous reviens tout de suite. Hey les gars, j'ai soif. Fais boire ton oreille. Quand ça? Tous les jeudis 22h. Où ça? À CKRL 89.1. Et qu'est-ce qu'on va boire? Du rock, du funk, la musique psychédélique. Aussi, dégustation de saveurs oubliées, sans oublier les prestations en direct. À CKRL, la radio dans tes couvertes.